sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Bonjour, c'est Anne et Henri sur RKB pour Interbrezonek. Alors comme d'habitude, on commence par Gary Warvué. Aujourd'hui, c'est l'émission 362. Trihando Atriugen. Et alors aujourd'hui, j'ai pensé, on avait parlé une fois d'un mot qui est quar, quar la cire. Et je m'étais arrêté là et j'ai pensé parler du mot gouloquar, donc qui désigne les lumières de cire, c'est-à-dire les cierges. D'accord. Alors, uniquement cierge ou bougie aussi? Non, c'est, enfin, on pourrait dire ça pour des bougies, hein. Mais en fait, c'était quand même plutôt pour des cierges. C'était, il y avait des, avant les bougies, il y avait, parce que les gens finalement n'ont pas tellement utilisé les bougies pour éclairer, quoi. C'était plutôt les lampes à colle, alors? Il y avait, il y a eu des, ce qu'on appelait des golourousines. C'est-à-dire des chandelles, en fait. D'accord. Donc, qui étaient, l'ancêtre de la bougie. Ouais. Donc avec une mèche et de la résine, mmh. Et qui donnait une lumière tamisée. Voilà. Et là aussi, on employait le mot golo, hein, au pluriel, golo, roussine. Enfin, moi, j'ai pas connu ça, mais j'ai entendu mes grands-parents en parler, quoi. Et après, alors, en fait, la bougie qui coûte très cher, hein, n'a pratiquement pas été utilisée pour l'éclairage. On est passé directement à la lampe à pétrole, hein, et sous différentes formes. Hein, il y avait les lampes pigeons. Mais les gens faisaient leurs bougies, non, Henri? Moi, oui. J'ai vu des petits... comment on peut dire? Un truc en terre cuite où ils mettaient les bougies à égoutter, là. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui faisaient des bougies sur des mèches. Hein, oui, voilà. Sur des mèches avec de la cire d'abeille. Hein. Mm-hmm. D'ailleurs, le cierge d'église, en principe, doit renfermer au moins 30% de cire d'abeille. D'accord. Voilà. Et donc, comme je le disais, le mot cire, ça vient du latin quera, hein. Donc, et en breton, c'est quar. Alors, le cierge qui est un symbole de lumière, hein, dans la religion chrétienne, en fait, et, y compris dans les branches de l'Est, en fait, de l'Église. Et donc, ces cierges-là sont vraiment le symbole, donc, de la lumière. À tel point qu'il y a un cierge particulier qui est censé alimenter tous les autres, qui est le cierge pascal, qui a un nom différent, puisqu'on l'appelle Cantrol. Cantrol basque, c'est le cierge pascal. D'accord. Qui est censé être changé tous les ans, et bon, je pense que maintenant ça devait plus se faire dans les petites églises, mais et donc qui alimente en fait tous les autres cierges. Alors il y avait autour du cierge, alors en fait on emploie surtout gauloquar, hein, c'est-à-dire un collectif, hein. Mmh. Il est rare qu'on parle d'un cierge en particulier, hein. Alors il y a un mot pour cierge, hein, c'est goloen, hein, goloen quar. On dit d'ailleurs Goloengoar, puisque c'est un mot féminin. Voilà, Goloengoar. Mais en général, il y en a plus d'un. Hein. Le minimum, c'était deux, puisque à la messe basse, le matin, il y avait deux cierges. Et aux messes solennelles, la messe de 11h, quoi, il y en avait six. D'accord. Et quand l'évêque venait dire la messe, il y en a sept. Sept étant le chiffre de la perfection. Voilà, je ne sais pas si c'est respecté encore, cette coutume. Voilà. Et alors, il y avait à chaque étape de la vie, il y avait un cierge qui correspondait. Il y avait le cierge du baptême, le cierge de la communion, et puis le cierge des défunts, en fait. Hein. Et qu'est-ce qui les distinguait, alors, ces cierges? Déjà, le décor. Hein, le décor, par exemple, pour les défunts, c'était une bande noire, hein, sur le cierge. Hein. Les autres étaient plus gais comme couleur et, mmh. et comme décor. Il y avait des cierges très ouvragés. Je me souviens quand j'étais gamin, il y avait Monsieur Lebris de Plougonvert qui faisait des cierges et qui les livrait un peu partout dans le pays ici. C'était une fabrique importante. Et donc il avait des cierges très ornés. Hein. Il avait tout un. C'était des cierges qui étaient faits à la main et il y avait vraiment des belles choses, quoi. Voilà. Alors, le mot, le cirier, c'est-à-dire le cirier, c'est celui qui, à la fois, c'est celui qui collecte la cire et celui qui fabrique les cierges, on appelle quarer. D'accord. Et ça a donné le nom de famille, hein, le nom de famille Coirère. Voilà. Donc, alors pour revenir à la maison Lebrise à Plougonvert, il y a un dessin de Mathurin Méheu qui représente Monsieur Lebrise en train de faire ses cierges dans son atelier à Plougonvert. Donc, les gens de Plougonvert ont peut-être vu ça, hein, c'est intéressant sur le plan du patrimoine. Voilà. Alors, oui, j'ai dit que le Coir, c'est un collectif, mais on peut même faire un pluriel du collectif, Goleyeur Coir. D'accord. Donc, en fait, il y a plusieurs façons d'employer ce mot-là, quoi. Alors, pour terminer, j'ai entendu dans le Pays Gallo l'année dernière une expression qui m'a amusé, c'était arriver à la fumée des cierges. Trop tard, quoi. Bah oui, arriver à la fumée des cierges, c'est arriver juste quand ça se termine, quoi. Ça se dit pour n'importe quoi, hein, pas seulement pour une cérémonie religieuse, mais c'était dans ce cas présent, c'était pas une cérémonie religieuse. Mais les gens disaient, on est arrivé à la fumée des cierges. J'ai trouvé ça pas mal. Voilà, ça arrive hein, qu'on arrive à la fumée des cierges, oui, oui. Hein, quand on a pris un peu de retard. Eh ben, on va terminer là-dessus et puis on va passer à présent de temps matin. Merci Henri. Alors on part à faire un petit tour à Zantolec et là, y a de l'animation parce que Yuan est en train de préparer pour le cidre. Voilà, Yuan est en train de faire le cidre, hein, comme d'habitude. Hein, donc, on va le voir chaque année. Donc, Yuan, c'est Yuan Danteg, hein, qui habite à Kerizel, hein, et qui est marchand de cidre de son état, hein, qui est marchand artisanal, quoi. Et Chanik va à sa rencontre. Voilà. Salut Yuan, pénonce mon compte. Matré, Chanik, matré. Kroger de Borchistre. Ya, Bouedir. Pemzeuk Tesso, ou un croc de Zerialo. Gwellere de Bernardo, oise? La Bourzo. Avalo de Zantolek, in tout? Ya, de Zantolek, peu de Splouderien. Quand piou vezeret en la Valao? Oh, grande famille, n'est que résies, peu dure, mécanique zer en d'arme vue en de Zenalo. Quand pesa Avalo vegre l'archiste? Quand alo douce, alo huer agralo trinque, redeca de hempuis, évido bergismat. Mais. Plairmar, pressour. Ah, bah ça va, Durazé. De Tevel, Chanik. Et Chanik, bien sûr, elle va aller voir, puisqu'elle elle est curieuse. On aura ça la prochaine fois. Voilà. On va reprendre donc le dialogue, phrase à phrase, pour que tout le monde puisse bien le comprendre. Salut, Yuan, pénosement compte. Demande oui, Chanik. Bonjour, Yuan, comment ça va? Matré, Chanik, matré. Matré, il est content. Kroger d'Oberschist. Voilà, alors, Kroger, hein,

Troisième partie d'émission, Petra Zonnevervro, Eri. Petra Zonnevervro, Calzedrao et Veljus, Werwech Diouzan. Krogum de Dianton Velcustum, dans de l'arbre douar à Gevu et War Armes. Erion Bremen, de Vad ben Discaramzer. Ag point de Bremen, Zerien Trevado Diouzan, d'Asquer, Ur Maïs, Agar Betraves. Jusmat, Pion Combs de l'arbre douar, Levers au Bescrive de Neveso, Ag Imbandet, Gandau Scrivania, Philippe Madeline à Jean-Marie Morisseau, War Histoire l'arbre douar. Ag Histoire l'arbre douar, Trémilei Scandic à Trugen, Ag Milnohan de Catrugen, de la Rade Ingal, Ag 1870-1970. Zera, War Kand la Mapeswan. À part de rendre la seule et bêtechant chez Calzedrau, war l'arbre douar à Gevu et war armes. Un du de zone ouat canine, pe kosor, un esclave, neusclave d'agwellet pe sa mode vigé l'arbre douar à Gevu et war armes, ur vu et mot de cause en temps, à Calzedud war armes ou de hulse à go labour à bazar parkeia. Mais hud une dé va des chanches d'un trou. Velmesla retard, hanve de leverze, les paysans 1870-1970. A Gimbon, de Ganderstall, Imbon, les arènes. Ba fine miss, here, et vel juste, ve a huls de zeri kistin. Ur fruise de zo matre, ag obligea dure, di bi Christine Rost, de war an noalet, ba mis du. Ur blama an oa ran ket agin vocals a gistin, hein, an meus o ven neus ke kals bars, ag gweleran le rel neus ke kals. Bon, metrezen bene bla vo mur. Pembla war nu gen zo, Ur pemzeg de zeviz heri, ur abed o nons vez avel grein e breiz, ur gorvanten. A matrezen pe jonj de houlse, ur abed gred ur gando un ge, war an ton gavoten war an afarze. La la la la la la la la la la la le no, war an ton zo, hag ur plijus ur gando un. Met war ke gwal plijus un trou, ka azo ur abed distruj e kalze trou, a diskar et kalze goi. Eru et Roise Huls, puis rendre compte de ce frise, de Zeri en aval ou diouzan, à d'aubergiste. Blassen, velan zobé de zo nupter aval ou vidor blayoel, à galère aouel zo, à zuroir, vos neubes de nupter gisme mestra blamant. Ouel de vaux, ma vecet gis vo eve de bir, un del jusmad ou à salon zur bir, basani gouden, à zo bécal zedut, à wakal zobligadio. Bon, à conseil, mais avec être régiste, bah, vous voyez bien. Bon. Dans mon temps, moi, l'air, n'a un, wardash, n'en endro. Calzereuse, zobé de, braise, n'est-ce que wal belzo, gandafereur, graisen stumant, vide warrière, y'en meldrote. Racresse, zobé casse, gand, skipaille, meldrote, brest, stade brestois, velvela, in galak vlour. Ag bon zon je war skipaï meldroze de zive lor greizen ledan evit stumant hoyer yen meldrot ag war ke becu den bet pu dur bon vid meldrot ve kader an dermot met or guden zo pu dur war an dou ar di bab de vid orze ba plogastel zo o bor melve dis pisial bor melve ve velar de in galak velar escargo hein, vid or re l'outil qui est présent, vejo velar maligorn, bon, ag bormel vet zeus au hanved bormel vet kemper, gal ag escargot kemper. Ag bormel vet zeus au guarezet, c'est tu, neuske droit de direng norm à peu soin. Ag bon, a zeus au bécal ze gudenou, hein, warzi. Ur bormel vet zeus au long de fentusoir, zo bé de hanved de djentan. Pour avoir bécavet, Elix Kimperiana, babla Mileis Kandau Warnugen, à très grand la Waller, ou avoir hangvet, latin, Elona Kimperiana, à gazé, et y hang skiantel breman. À gebor melvetze, zo au fevant, wardro, Kemper, jusmad, evel just, hein, plusieurs velard, bor melvet Kemper, mais longtemps me pebler, ebreis, l'herve comme ze brisonneuk. Pes au fentisoir me mestra. Je peux dire, vekav, pevezel de garten est juste l'air ve comme je présente. Ma treize, un blichetan, un clé, un dit comme je présente. A ma pesquant de vel de pesa treize neuse, l'onze, puisque mes mondes de itron varia, ur groaz ba pellan, a yenan zo onan, a zo livet war enan zo speur an gwat, avec red ur jubé de se, hag zo, zo laket londet dar a livet londet, hag e bor melvet ze zo arouez en dud fanyoz, en dud de houlantje labour, ma peswan, pe en dud lizour ma peswan. Hag enan zo juzmad zo belivet o bor melvet diset deus kemper, bor melvet kemper a zo livet brav. Bon, vejen amzer e gontan dar de ze louzeier chimik vezim pli et vise la bord douar. Jonge peus pe oa begret en over en war an ton braz oa hanvet grenelle de l'environnement oa be diviset digreskin de ze nanter impli je louzeier ze. Ji oaz ne yak en trog tambet oa an tuze, pi yo war lande oa be kresket de strid regan impli je louzeier chimik e brovrans. Hag ba mis vwen, ministre la pour douar, Stéphane Orvol, un des larred ve febe diez tiz ou d'or pal, da larredé di greskin, de hanter kandregan implige louzeir chimique. Med war a zeblan de chanche jonge, hag jonge alra ma trezen vraiment vos moyens de zisken implige louzeir chimique. Gwelet vo. Gwelet vo. Dan bremañ an tambra dach en zevenadur. Deu ze glaso, oa be lance d'war an ton bras TV Breiz. Hag de houlse, tout de pen au bras, j'onj meus gwant bet ba, on em faut ba gwen gant vise, a tout de pen au bras, re o bern diskour yo war ze, diskour yo entan en war an afer ze, a la re bon oa par e an brezon, ne yo a TV Breiz hont de, d'or o bern lab o war ze. Me benefin, ne oa ke me pel zouben de drinker, hag neus de se ne chom ke me de nantin. A benefin, bon, vraiment stals au rond des airs et ben orient à me sang vos casse d'un tom stalik penek de baris mais de stevie brain de chomo que calzedra à gouscoude ou abitro et calzer en grande rande vro et en a de me jonge du gb d'implis et de gouel or l'air elle mais dis seulement orbite vel mesla retard pe meslan se me rond calzedra ou ne vezo bavro à gazizo plus juste me mestra da square ba purut Oa digor d'un DL ur zal neve, ba kreiz e bourg, hag zevo bouez e just tud purud hag tro war dro. A ba tre malgan, ne kepel de spurd oaz, oa digor d'un DL an espisiri, oa gret gant zo krouet benefin gant ur gevridigez. Ne ke gant un den, met gant ur gevridigez. Hag a zevo kavet, calze produit trou produit de bavro vel bar fromage légumes kit à calze drowel ras quand va être wel un que produit de bavro vel café hein puis on fait que grade café hein me bêta vraiment mais de calze drou de bavro vecard ag tout d'un trouse au mat ag zis que mon evro au casse bevant ané que merve tant ma tombe vel jonge dernier de zendu bonne chomme mon temps moi war dachen zevena de c'hoaz. Neus ket gwall belzo, ba oa bet ze oa vint dezan mitiel ar, oa bet ba kastel neve ar fez nons, evit de abla Louis Ebrel, neus bremañ perugen la. Hag bon, Louis Ebrel zo c'hant mat ba vro, hein, mer Eugenie Grouadek, a klevet ve aliz o kanna, granifik flatres, hag an tudel vel rameneur de menhir, a bep sa mot, quoi. Ur plar an eus kaz eus tartijen, vid perugen la. Bon, ur vegel moa komp zet ar c'hoaz deus ur geria d'ur neve, vo im bannet pa de bla de zon, skrivet gant Francis Favreau, hag ur geria d'ur el zo war estern bremañ gant Martial Ménard, ur geria d'ur galeg brezhonek, hag bon, lever zo vo im bannet prest i c'hoaz, pu dure prest en trau, gant nembadurio, embenadurio palatin, de Skemper. Vichon mon tam war leveri ou ma peswan, im bande de bene vesso, Harry Potter, e brezon dek, troet gant Marc Guérin. Hag bord kalze dud ma traezen nivou a mi meuske belen Harry Potter nag in zo, nag in galak, ma traezen motro de len an brezon dek. Hag a vide chui me febe rouan de gonto un tam de ze Yvon Philippe zoet de nan an ou ne vesso, Yvon Philippe, bonzo behan ne gant kalz adut, pudio a maire ba kwadou, a président de Strolat Parouge ou boulevriad, boeu a becrou et d'or strolat par vougeux. Hag Yvon Philippe oa gant ba bulat a tram ne neus i vugale hag ba lokarn a ba kiergrist. Hag dreistol ba kiergrist, hein, plus dur l'ar et d'ermand oa deus kiergrist. Hag neus bon on den zeber hein, gant den vige aimad gant tout den dut. Hag noar ke me degla trugen, hein, on den gouskoude oa trez yar c'hwarnan. Hag bon DL ba ilis boulevri hag oa obermtud hein, vide o bidio. Hag bon, setu un DL, neus ket gwell belzo, moa gwell non, an iwa lar etin blijedan chilao RKB. Hag chilao erre on mabad an aliz hend an brezond. Bon, setu bon, kalze dien vide Yvon Philippe. Bon, c'est eu un temps, tout pèse, vel en, neve et bafro, avec, benevegel, voilà, d'armure, roise. T'es norvegel. T'es norvegel, oui.